Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien, t'as vu? Ah, t'as vu. Alors, il va bien. Ah, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, 27e édition en direct, et si vous entendiez des gens parler, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le son dans leurs oreilles à eux, mais qu'en fait on est vraiment en live. Bienvenue pour cette troisième saison de notre émission, l'émission de rétro gaming du site GameTrip.net. Émission très très spéciale aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, il y a un peu de bruit tout autour, c'est parce que nous sommes tous dans nos cuisines respectives pour enregistrer en live, mais de loin à cause du confinement. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Salut. Yo. On vous entend très très bas, alors que depuis tout à l'heure on vous entendait bien. Nous ne sommes pas donc ensemble dans les studios, mais on est tous bien là pour une première partie de l'émission du mois d'avril. C'est l'émission spéciale confinement. Vous avez vu normalement il y a deux semaines l'émission en direct de mars, on n'était que deux survivants de l'apocalypse zombie. Et bien finalement le confinement a eu raison de nous. On ne peut évidemment pas sortir, et vous aussi chez vous, restez chez vous, c'est hyper important. Donc nous on est aujourd'hui tous là pour une émission spéciale d'une heure sur l'actu des jeux vidéo et du rétro gaming, avec, comme je l'ai dit, la team au complet pour une fois, ça faisait longtemps. On est avec l'ange de la Redstone, Yako, qui est là. Salut Yako. Bonjour, bonsoir. On est également avec notre encyclopédie du rétro gaming, Jack, qui est là aussi. Salut Jack. Salut les enfants. On a le technicien du gaming, Juju Splinter, qui est là. Salut Juju. Juju, faut que tu dis salut. Ah, il nous entend pas. Ok. Et puis notre caution e-sport, vous l'avez entendu, Mporg J qui est là. Salut J. Salut. Émission d'une heure, donc alors un peu différente que d'habitude, il y aura que trois parties seulement cette semaine. Dans quelques minutes, il y aura le Psartek et Balek, évidemment. Comme d'habitude, ça va pas bouger avec l'actu du rétro gaming de ces dernières semaines. Ensuite, notre dossier spécial jeux vidéo et coronavirus, notamment qu'est-ce qu'on peut bien y jouer à quoi pendant une période de confinement. Et puis vers 5h moins le quart, notre troisième partie, le tout venant de l'actu, avec des actus des jeux vidéo récents cette fois. N'hésitez pas à nous interpeller directement dans les commentaires du YouTube live. On a le chat qui s'affiche désormais à côté de nous, juste à droite sur votre écran. D'ailleurs, il y a déjà Yako qui discute sur le chat, voilà, qui laisse un petit mot. Merci Yako de nous écouter. Est-ce qu'on nous entend bien d'ailleurs, Yako? Est-ce que tu nous écoutes? Alors attends, je vais tester. Ah, bah, voilà. Hein. J'espère. De notre émission. Oui, je m'entends, c'est magnifique. Donc tu t'entends dans le passé. C'est oui, bon, c'est incroyable. On diffuse cette émission en direct, comme toujours, sur YouTube officiel, youtube.gametrip.net. Et si vous voulez participer avec nous en direct, il suffit d'aller nous laisser un petit mot sur Discord, discord.gametrip.net. On peut vous passer à l'antenne comme ça. D'ailleurs, je remercie tous les auditeurs qui nous laissent des messages à chaque émission et qui nous encouragent, ainsi qu'à tous les nouveaux abonnés. On est 36, alors on va essayer de continuer un petit peu plus. Hein. Ce serait bien d'atteindre au moins les 2000 avant la fin de la semaine. Alors, si vous tombez sur cette VOD, sachez qu'à la fin de la diffusion, comme toujours, ça ira sur YouTube avec les timecodes vers les moments de l'émission juste en dessous en commentaire. D'habitude, il y a un best-of. Là, il n'y en a pas eu pour le mois de mars. Il n'y en aura pas non plus pour cette émission d'avril, mais à la place, dans deux semaines, ici, au même endroit, même heure, dimanche à 16h, il y aura une deuxième émission pour ce mois d'avril, histoire qu'on se fasse pas trop chier à la maison. Alors voilà, faites tourner le live, la VOD, c'est hyper important pour nous, et puis un petit like, un abonnement aussi, et allez visiter GameTrip.net. Et on va passer tout de suite, puisqu'on est dans les temps, c'est très rare, pour ainsi dire, c'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire de l'émission. Toutes les pandémies. Ouais, en effet, il faut au moins une pandémie pour ça. Eh bien, on va passer tout de suite à la première chronique. Est-ce que vous pouvez meubler deux secondes? Mais pas de problème, et c'était John, donc j'y vais, présentation. On va pas donner son nom, on va pas donner son adresse, hein, mais il est là pour qu'on soit tous réunis pour parler de jeux vidéo. Et va avoir plein d'idées de jeux vidéo de confinement à faire avec vos enfants, vos épouses, des bricolages. Merci Jack. Plein de trucs sympas. Parfait, voilà. Merci Jack, on passe tout de suite à la première partie Psartek ou Balek. Merci en direct de Cognac G, Jack qui était là, et du coup première partie avec des jingles que vous allez entendre, mais pas eux puisqu'ils ne sont pas à côté de moi. Psartek ou Balek. Ah bah, et tu l'as fait presque en même temps. Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là, c'était le Psartek ou Balek. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours très bien tous qui êtes là? Alors il semblerait que Juju non. C'est étonnant. Pourtant, je n'ai absolument rien touché puisque vous m'entendez. Connecte-toi, Juju. Juju, est-ce que tu es là? Ah bah il va se reconnecter, c'est pas grave. C'est presque... Donc vous l'entendez, hein, nous sommes... que quand on est tous ensemble. Nous sommes en émission spéciale confinement. Non, d'habitude ça marche. Juju. Voilà. Bah voilà, ah, voilà. C'était bien toi. Bonjour Juju. Le gars qui te parle des problèmes techniques, c'est le gars avec qui ça foire. Ouais, je l'ai présenté comme la caution technique. Voilà. Eh ben, c'est raté. C'est raté, c'est complètement raté. Bah non, c'est pas raté, regarde. Ça marchait pas. Il se déco, il se reco, ça marche. Ouais, c'est comme ça qu'on fait en général. Il a refait des soudures. Ouais, c'est tout. Hein. C'est un bac plus combien pour dire qu'il faut déco reco en général? Have you tried to turn it off and on again? Mm-hmm. Est-ce que c'est un problème de Mars? Alors, Psartek ou Balek. On rappelle pour les gens qui viennent de nous découvrir et pour Jack, le principe de Psartek ou Balek. C'est qu'on va donner des news sur le rétro gaming qui sont arrivés donc, ces deux dernières semaines. Et puis je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle et vous allez me dire si cette info est intéressante, Psartek l'info, ou si vous en battez les steaks, Balek l'info. Et on va commencer, alors j'ai même préparé, alors vous le voyez pas, mais sur le live, si vous allez sur le live, vous verrez des petites vidéos qui vont corroborer les infos de ce mois-ci. Oh là là, là merci. Je l'ai appris hier, alors du coup... Trop de syllabes d'en corroborer, trop de syllabes. Ouais, non, mais je l'ai appris hier, donc voilà. Ouais. On va parler d'un événement majeur qui va sans doute arriver pour les 35 ans de Mario. Selon les rumeurs de plusieurs sites américains, Nintendo prévoit un gros truc pour cette année, à l'occasion de l'anniversaire de la licence Super Mario. Apparemment, ce sera... Un peu comme ma bite. Hein ? C'est l'anniversaire de... Un gros truc. Ah pardon. Un peu oui. Comme ma bite. Ah, je la pandémie comme ta bite. Non, c'est bien, il fait les jingles mais à la voix, à la main quoi. Peut-être une bite de 35 ans aussi. Apparemment, ce sera le retour en remaster sur Switch des principaux jeux Super Mario, le tout accompagné d'un nouveau Paper Mario. Et puis on rappelle que déjà... Ça claque. Ouais. On rappelle que déjà, il y avait eu un avant-goût de la grande fête hein, avec un film, voilà, un partenariat aussi avec Universal pour une zone Super Mario dans son parc d'attractions. Et puis donc, selon Eurogamer, on aura droit donc, cette année à des remakes de Super Mario 3D World Deluxe, plus avec des niveaux inédits dedans, un remaster de Super Mario en HD, Super Mario 64 pardon, en HD. Super Mario Sunshine qui reviendrait, Super Mario Galaxy et aussi Super Mario Galaxy 2. Voilà. Psartek ou Balek sur ses 35 ans. Mais... Bah, Psartek, hein. Ah, bah, clairement. Surtout par Mario Sunshine qui était des meilleurs Mario de tous les temps. Hein. Ah, je sais pas si Mario chose. Sunshine il a fait l'unanimité. Je suis pas sûr. Le mec qui a eu une GameCube à l'époque, il a fait l'unanimité pour lui. Ouais. Je sais pas. Super Mario Galaxy. C'était un régal. C'est le prédécesseur de Mario Odyssey, quasiment. Non, c'est un pur régal, ce jeu-là. C'est le meilleur Mario de tous les temps. Ah, je sais pas, Mario 64, quand même, il a eu son petit effet, hein. Oui, mais Mario 64, il a vieilli, alors que Mario GameCube, il a pas pris une ride, quoi. Je viens de racheter Super Mario 64, donc je pense que c'est mon préféré. T'as entendu ce qu'il a dit? On a fait une émission de rétro gaming, et le gars, il a dit, ouais, mais le jeu, il a vieilli. Ouais, bah, c'est le principe. Oui, mais attends, alors là ça pourrait être une bonne réponse de Normand. T'as les jeux qui vieillissent et t'as les jeux qui vieillissent bien, tu vois, c'est pas pareil. Ah, t'as pas précisé. C'est comme le pinard, t'en as qui se transforment en vinaigre à un moment. D'accord, on va faire une émission culinaire donc aujourd'hui. On n'a pas entendu Jay sur Super Mario, lui qui adore tout ce qui est jeu de plateforme. Balek. Oh là là. C'est bien ce que je pensais. C'est marrant parce que je sais. On va recommencer sur une. Le mois dernier, on a quand même fait une émission où il a dit Psartek à toutes mes infos. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, et là, je pense qu'on va retomber sur une émission où il va dire Balek à toutes les infos. Non, mais en fait, Nintendo, j'arrive pas à accrocher à leur licence de manière générale en fait. Les cartons. Moins, Zelda, Pokémon. Non, alors, Pokémon. Pokémon. Blague. Zelda, franchement, c'est à peu près la seule. Mais là, quand je vois Animal Crossing, j'ai envie de mourir quoi. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais vraiment, me fout en l'air quoi. Mais bon, bref. Ouais. D'accord. Donc, Balek. Mais bon, allez-y, il n'y a pas de soucis. Non, bah, on va continuer avec un autre truc. Ah, tu vas peut-être pas Balek celui-là. Ah, si, quand même. C'était Tron là. Seiken Densetsu 3 qui est attendu pour le 24 avril. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués de la langue de. Je sais Shakespeare, même... de Molière, non, de Shigeru Miyamoto. De Shigeru Miyamoto, merci. Seiken Densetsu 3, c'est. Pokémon, ça va bien, c'est dans l'air du temps. Oui, exact. C'est Trials of Mana, donc c'est le troisième opus de la série des Mystic Quest et Secret of Mana, qui est sorti en 95 sur SNES Mana seulement 2. De quoi ? Juju ? Deux. Oui. quoi, 2 Secret of Mana 2. Ah putain, on entend un mot sur 5 là. Secret of Mana 2. Mais c'est Trials of Mana, donc c'est le troisième épisode. Il est atterri, il est arrivé en Europe dans une compile seulement sur Switch en 2019, parce qu'il était sorti au Japon à la base, en 95. Et donc là, il y a une bande-annonce qui vient d'être diffusée pour la sortie désormais sur PC, PS4 et Switch d'un remake du jeu. Voilà, une démo a été lancée il y a 2 semaines gratuitement. Ça fait partie des séries un peu mythiques du JRPG, non ? Mythic Quest. Alors, parce je que pense... tu viens d'aimer le 1, mais t'es balèze. Oui, je pense que Juju a voulu dire quelque chose, mais il s'est coupé dans son élan. C'est bon, allez-y. Oui ? Non ? Donc tout le monde balèque finalement ? Non, Star Trek. D'accord. Voilà, c'est tout. Ok, c'est. Je pense que tout le monde a kiffé, hein, sinon c'est tellement obvious que voilà, on va pas en parler. Mystic Quest, personnellement, un peu moins. J'avais une version Game Boy, me semble-t-il, que j'avais pas trop aimé. Ah, moi, c'était Secret of Evermore, que j'avais adoré. Ouais. Mais voilà quoi. Pour le coup, hein, c'est pas du tout le même jeu. Bah, si, c'est la même boîte. Oui, oui, mais c'est pas la série là. Hein. Non, mais. Secret of Evermore, ça devait être Secret of Mana 3, mais. Mais bon, voilà, pour des. Bah, du coup, ouais. Je rentre pas dans le détail historique. Oui, merci. alors, mais j'ai raison. On continue, bah, ouais, comme d'habitude. On continue avec Resident Evil 3, comme on dit chez nous, ou Resident Evil 3. Qui est Resident Evil. Voilà, qui est sorti il y a quelques jours, hein, le reboot de RE3 Nemesis, évidemment. Carton PlayStation et Dreamcast, puis GameCube, on s'en souvient, en 99. Il y a eu un gros buzz autour de sa sortie aussi, parce que Capcom avait annoncé mi-mars que les stocks avaient déjà été approvisionnés, donc rien ne devrait être reporté malgré le Covid, mais certains marchés auront des décalages de livraison, donc un jeu qui a finalement obtenu un peu de bonnes notes en avance par rapport aux livraisons, parce que certains n'avaient pas encore le jeu, et puis finalement il n'a pas eu de notes de ouf non plus, parce que trop court, trop facile apparemment. Il est trop court, ouais. Donc voilà. Enfin, a priori, ouais. S'il a la même durée de vie que l'ancien, ça fait court pour un jeu de maintenant. Hein. Apparemment, il est même plus court. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, il était torchable. Alors, il me semble que le 3, il était torchable sans forcément speedrun ou quoi, en 3-4 heures, hein, pas 6. 6, c'est quand tu te promènes. Hein. Ouais. D'accord. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est 4 heures. Bah, moi perso, je trouve ça inadmissible en fait de sortir des jeux qui valent 70 balles qui font 6 heures de jeu. Enfin, c'est une putain de blague quoi. Mais bon. À part peut-être sur des jeux VR. Quelle que soit la licence. Ouais, mais tu vois, genre par exemple, Alyx qui est sorti juste avant, qui est de la VR, qui est de la. Enfin, celui-là, ouais, mais c'est 20 heures et en plus, c'est une technologie nouvelle et tout. Oui, donc c'est normal, c'est normal. Ouais. Ils ont encore plus de mérite et tout, je trouve, à faire un jeu cool quoi. Mais là, Resident Evil, c'est du vu et revu et du machin. C'est sûrement sorti trop tôt pour faire du pognon et 6 heures quoi, putain, c'est une farce quoi. Enfin, je me sentirais vraiment. Après, ça dépend à quel prix il le propose quoi. Bah, ça doit être du 70 balles quoi. C'est un prix normal de jeu quoi. 70 balles là, non, ouais. Clairement pas. Là, bah, 70 non. Sur console et. Et 50 balles sur PC. Ouais, oui, 50 sur PC. D'ailleurs, si vous allez sur Game Trip, vous l'avez à moins 27%. Voilà, je passe vite fait le petit truc. Et petit détail dedans aussi, il y a la date de Resident Evil 8 qui aurait été annoncée apparemment dans vite fait pour le 28 janvier 2021, voilà. Balek. Ouais. Si il commence à refaire des Resident Evil cool, ce serait bien. Bah, depuis le 4, moi perso, j'ai lâché l'affaire. Hein, depuis que c'est passé en mode de un peu. T'es jusqu'au 4. TPS, FPS, je sais pas quoi là, caca quoi. Bah, depuis que le Survival Horror. C'était très bien. Partout, quoi. Bah, moi je me suis arrêté au 4, donc je peux pas te dire si le 7 était très bien. Quel jeu? D'accord. Bah, celui dont on parle depuis à peu près 4 minutes. Bah, Resident Evil alors, ils ont fait un 7. Oui. Ah, bah, je sais. J'ignorais. Bah, oui, parce qu'ils vont faire un 8 en 2021, donc du coup. Ah. Tourche nous dit que Sunshine est le plus controversé des Super Mario, il a pris dans la gueule. Moi, ouais. C'est ce que c'est je... pas Hotel Mario. En fait, pour moi, Super Mario Sunshine, pour revenir rapidement dessus, il me semblait qu'il y avait énormément de gens qui avaient gueulé à l'époque parce que t'avais le pistolet machin truc dans le dos, là, l'espèce de jetpack. Ah oui. Qui fait que un jeu de plateforme avec un jetpack, bah, c'est plus un jeu de plateforme puisque tu peux pas rater la plateforme. Donc ça a fait couiner des gens. Me semble-t-il que c'était pour ça. Tourche peut-être nous confirmera, mais. Alors, voilà, est-ce, que c'est des, gens qui ont joué? Parce que n'importe qui a joué à ce jeu-là sait qu'il y a des passages. Jetpack, il n'y a que de la plateforme. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas le problème. Ces passages-là étaient super chauds. Bah, c'était pas un problème parce que le jeu était génial. Je sais pas trop. À l'époque, de toute façon, déjà, la GameCube, on était 4 à l'avoir. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas joué à ce jeu-là, je pense. Il était bien quand même. J'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé bien, personnellement, j'ai bien aimé le jeu. Je l'ai torché une ou deux fois bien comme il faut, mais voilà quoi. C'était magnifique en plus. Je pense que ce qui a vraiment. Le Mario qui a marqué les esprits de. De par la novation, on va dire ça comme ça, c'est clairement Mario 64 parce que on dit la novitude. C'est la novitude, ouais voilà. Enfin le Mario 64, il a quand même fait quelque chose que beaucoup de jeux ont raté, c'est le passage à la 3D. Il y a énormément de jeux qui on va pas parler des premiers Sonic en 3D avant Sonic Adventure, genre Sonic R et compagnie. Ouais. Enfin voilà, c'était une blague, mais voilà, Mario lui, il a réussi à faire... alors que moi j'étais Team Sonic à l'époque. Moi je pense que les mecs si on te demande si t'as un Mario, ils vont citer Mario Bros 3. Ouais. Oui, mais parce que Mario Bros 3, il a fait le même. Mario Bros 3, il a fait la même chose que Mario 64. C'est-à-dire que Mario 64, il a fait un passage à la 3D super réussi. Et Mario 3, Super Mario Bros 3, il a fini la vie de la NES avec. Optimisé à fond, ça c'est clair. C'est toujours des jeux qui sont un peu transitoires entre plusieurs périodes qui marquent le plus. Bah, s'ils sont réussis, oui. Oui. Et Tourche te dit que c'est qu'il l'aime bien, mais que c'est pas le meilleur. Ensuite, on va parler de Panzer Dragoon aussi, encore une vieille licence qui va revenir. Vous vous souvenez peut-être de Panzer Dragoon Horta et de son prédécesseur Panzer Dragoon. C'était un shmup 3D sur Saturn en 95. Là, il y a un remake qui est sorti en version démat et physique sur Switch, encore le 27 mars après un petit retard. 25€ sur le shop. Il y a le jeu en remake, il y a les musiques originales, des musiques réarrangées aussi. C'est une exclue console. Je vous invite à réécouter le podcast du mois dernier sur les exclus, justement, ou du mois d'avant, même encore, je ne sais plus. Mais évidemment, comme tout exclu, ça devrait tout de même sortir sur Steam et sur Stadia courant cette année. À noter qu'une suite en VR PC est prévu pour la fin d'année, ce sera Panzer Dragoon Voyage Record. Voilà le retour de Panzer Dragoon en remake. Sartek ou Balek? Psarlek. C'est bizarre, j'ai l'impression que les gens n'ont pas trop joué à ce jeu, même si tout le monde en parlait à l'époque. Alors moi, en l'occurrence, j'y ai joué, et pour faire le petit clin d'œil, j'y ai joué chez Tourche, parce que moi, j'avais pas de Saturn, et Tourche en avait une, et voilà, ça m'a marqué pas plus que ça. Ouais, mais il était mieux sur 64, quoi. Psarlek. On dit dans le chat le remake Lidl de Panzer Dragoon. Écoute, moi j'ai pas joué non plus. Alors ça me rappelle, c'est quand même Magic Carpet à l'époque. Ça avait fait un carton parce que le jeu était beau. Il y avait de l'immersion, des trucs comme ça. Ça volait partout. Mais après, bon, quoi. Voilà, ça, à mon avis, c'est daté, je pense. OJ? Non, Balek. Non, toujours pas. Hein. Ah, c'est sa semaine. Hein. Non mais c'est pas grave. Hein. Bah Juju peut-être alors. On en reparle dans deux semaines. Non Balek, moi j'avais jamais joué à l'original et puis je compte pas faire le remake. Ok. Bon. C'est dit. Bon bah loupé pour celui-là. Alors du coup autre retour en remake encore, c'est Sin. Le FPS. Ah Sin, était bien celui-là. FPS d'Activision en 98, c'était un genre de jeu de flic dans un univers futuriste entre mafieux et mutants. À mon avis, refais ton truc parce que là c'était Tron ton truc. Non. Ah, t'es sûr ? Ah oui, j'ai des images, oui. Oui ? Allô ? Oui, c'était un jeu où t'étais incarné une espèce de... Je parle pas que le jeu était Tron, on t'entendait pas. Ah ! Tu le truc. Ah non, c'est chiant, t'entendais. Les gens n'ont aucun problème puisque eux m'entendent en direct, donc il n'y a pas de problème. C'est bon, alors, je ferme ma gueule. Donc un jeu de flic entre futuriste et mafieux et mutant sur le moteur d'Half-Life. Et donc Night Dive Studio et 3D Realms s'attaquent à un remake prévu sur Steam et GOG. Ça, ce sera pour ce mois-ci aussi. Voilà. Sin, jeu. C'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Qui est surfé un peu sur bon Half-Life. Non, ouais, la surfé, c'était à l'époque, il y avait énormément de jeux qui. Il y avait Shogo, il y avait plein de FPS comme ça, et puis du coup, bah, ils sont passés inaperçus parce qu'il y avait Unreal d'un côté, et puis et puis le Half-Life de l'autre, quoi. Ouais. Je connais pas, Balek. C'est pas un mauvais jeu, hein, c'est pas un mauvais titre. Il y avait une grosse gros sein sur la jaquette qui donnait vraiment envie d'y jouer. Ah bah voilà. Bah non, mais le principal intérêt du jeu, s'il a fait parler de lui, c'est parce qu'il y avait une nana, un gros sein modélisé en 3D dessus. Et après, le jeu était pas mauvais, mais il était en deçà. Proposé à l'époque Half-Life ou Mario. Ouais. Donc il est arrivé. Il a surfé sur la vague, mais il a pas réussi à tirer les pins les barres en feu, quoi. Arrivé un peu tard. Pour le coup, ça me dit tellement rien. Bah, effectivement, ouais. Moi, je jouais à Unreal et à Half-Life, donc. Bah voilà. Ouais. J'ai pas là, du, c'est pour ça. Du tout. C'est... Oh, il a c'est pas été. Oui, il a pas été. Ça a pas été un carton non plus, Racine. C'est comme si je te parle de Shogo, tu vois, c'était un jeu avec des robots, c'était bien, mais. Bah, je me suis dit que t'avais fait une faute dans Total War Shogun, mais non, c'est pas ça. Non, c'est Shogo. Voilà. Shogo, c'est pas le mec, le gros, là, dans les Goonies? Non, c'est Choco, ça. Non, ça, c'est Choco. Alors, un truc qui va faire plaisir à tout le monde ici, sauf moi. FF7, on en reparle aussi avec des petits problèmes de distribution. On en a allègrement parlé pendant les trois dernières émissions, évidemment, de Final Fantasy VII qui revient en remake. Si peu. Mais en tout cas, à cause du Covid, le remake a eu de gros problèmes de distribution. Son Square Enix fin mars, il était de plus en plus probable, selon le groupe, que certains joueurs ne puissent pas trouver une copie du jeu au lancement, tout simplement. Du coup, pour compenser ça, Square a annoncé envoyer des copies en Europe quelques jours plus tôt, et le hic, c'est que ceux qui ont précommandé devraient donc l'avoir aussi plus tôt, 3-4 jours avant. Ouais, les bâtards. Et le groupe a donc demandé aux gens de ne pas dévoiler d'images ou d'autres choses pour ne pas spoiler. Bon, spoiler quoi? C'est un jeu qui date de 97, mais voilà, il y a des nouveaux dialogues. Ouais, non, mais t'as plein de nouveaux trucs. Ouais. Donc c'est toujours prévu le 10 avril sur PS4, mais certains l'auront donc là. Mais il était déjà en fait en vente dans. Alors il y avait au moins Carrefour, mais il y a 4 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais, j'ai vu passer des mecs qui l'avaient acheté. Ah, ouais, c'est possible. Ouais. Par contre, ils ont strike. Nous, du coup, on avait un mec qui était sur la Solus dessus. Et en fait, on a toujours pas le droit de sortir quoi que ce soit de contenu avant le 10, quoi. Ah oui, il y a toujours la. Ils ont strike. Parce qu'il y a des mecs qui ont tenté de le stream et tout sur Twitch, forcément. Non, il y a un embargo. Oui, mais les mecs là s'en foutent. Enfin, je veux dire, c'est un particulier comme toi et moi, quoi. Ah, et ouais. Du coup, ils se sont fait strike par Squaresoft, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour dégager tout ça du stream. Mais bon, ça a été le bordel. Hein. Je crois que Juju, t'es un peu deg. Hein. Il y en a qui l'auront avant. Ah ouais, carrément, parce que moi, je l'ai précommandé. Ah. Et je vois tout le monde poster ses photos. J'étais le chercher à Carouf. J'ai déjà le jeu. Et puis bah moi, je l'attends tranquillement chez moi par la poste. Et oui, mais le facteur est très envoyé. Si, mais il a été envoyé, mais je pense que les plateformes Colissimo galèrent un peu. Mmh, ouais. Sagement. Bah oui. T'as pas de bol, hein. Et en parallèle à la petite news FF7 en plus pour Jack, je rajoute que la bande originale sur 7 CD avec 156 pistes est aussi dispo en précommande pour 7777 yens au Japon ou 77,77 euros en France. Il est sorti aussi en vinyle, mais en vinyle, ils ont juste... Là, ils ont mis les vieilles pistes MIDI, ouais. Et puis ils ont rajouté quelques trucs réorchestrés, mais bon, c'était quand même 80 ou 90 balles. Ouais. Bah là, c'est 7 CD de 156 pistes pour le 27 mai prochain, donc ça fait un gros coffret. Gros, c'est... Petite rectification, hein, le vinyle est à 55 euros. Ah ouais, bah ça dépend où tu l'achètes, quoi. Bah, à Carouf, toujours, il va que là-bas, lui. Sur internet. Je vais téléphoner internet. Sur les internets. Sur les internets. Ah, il faut faire vivre les disquaires indépendants. Les internets mondiaux. Alors, on continue avec l'Intellivision Amico. L'Intellivision, nouvelle console, donc d'Intellivision. Retour de cette magnifique console que vous avez peut-être eue au début des années 80 comme moi. Vous le savez, hein, ici, elle est en bonne place dans les studios. Elle est prévue le 10 octobre. Elle ressemble à l'original, mais en un peu plus carré, avec des LED tuning tout autour. Est-ce que je suis en train de diffuser une vidéo d'Amico? Oui. Il y a une espèce de téléphones, des smartphones cartouches qu'on range sur le capot, un peu comme les commandes à l'époque de l'Intellivision. Mais elle est, elle ressemble vraiment à un truc. Alors elle est vendue en noir graphite, en blanc glacier à 249 euros ou en bois vintage à 279 euros, avec donc ces deux contrôleurs sans fil Bluetooth et 5 jeux intégrés dedans. Et les autres jeux seront vendus entre 3 et 8 dollars. Il y a 23 jeux au total qui ont été présentés dans cette vidéo que je diffuse en ce moment. On note la présence de titres inédits, dont un nouveau Earthworm Jim, par exemple. Alors clairement, sur une télévision. Ouais, alors clairement, on n'est pas sur du jeu d'époque. Hein. On est sur un catalogue à la Steam avec des tas de mini-jeux qu'on pourrait facilement retrouver sur de l'App Store ou du d'accord. Voilà, ou du Galaxy Store. Mais ça reprend en gros le concept de base, comme le casse-brique, le skiing, le jeu de ski. Voilà. Les, ah premières, ouais. les premières tours qu'on a eu sur internet pour l'instant, c'est v'là ton méga flop de l'année qui s'approche. Est-ce que l'Intellivision vous intéresse? L'Intellivision, je pense que ouais, effectivement, ça va être un gros balèque des joueurs en général, à part si t'as plus de 60 ans. Ouais, j'en ai une. Et enfin, j'exagère, mais ouais, c'est clairement une cible. Les 40 ans, au moins les 40 ans. Ouais, voilà. Ah, ouais, clairement. Une cible qui est pas trop. Mais non, mais même pas, parce que ceux qui ont une nostalgie de l'Intellivision, ils vont l'acheter et ils vont se rendre compte que dessus, il y a des jeux iPhone. D'accord. Et du coup, ouais. Quoi et ils auront perdu 250 balles, quoi. L'esthétique de la console, il ressemble à l'original. Ils ont essayé de refaire un peu le design, mais vraiment en mode maintenant. Donc ça ressemble vraiment à un truc futuriste, un peu comme les prototypes qu'on avait vus de concept art de la nouvelle Xbox ou de la nouvelle PS5, un peu tout en céramique avec des LED bleu tuning en dessous, des trucs comme ça, tu vois. Parce que j'avais compris, dans ce jeu, t'as un milliard de Pong, en fait. Hein. C'est juste, genre, t'as un Pong avec un décor de basket, un Pong avec un décor de foot, un Pong avec un décor de je sais pas quoi. Dans l'original. Sur la télévision. Non, sur le remake, là. Sur le, non, les non, jeux bah, ça, sur le remake, si vous regardez le live, vous voyez, là, il y a un espèce d'arcanoïde, là, il y a un. Il y a des jeux de. Moi, je vois du ski, là. Ouais, voilà, il y a du ski, il y a des petits jeux de course avec des bagnoles sur Mars, avec des petits lasers, des trucs. C'est pas ouf, quoi. Mais non, il y a quand même plusieurs trucs, mais ça reprend les concepts, on va dire, de la vraie télévision. C'est sûr qu'ils n'allaient pas ressortir des jeux avec un pong avec juste deux barres ou skiing qui était. Ouais, c'est un gros balèque. Je pense que ça va flopper à mort. Hein. Ouais, mais carrément, ouais. Ça va flopper. Ouais. Je pense que ça, c'est la fausse bonne idée, clairement. Bah, les gens se retrouvaient chez Nos. Le problème, les gens sont prêts à faire des vieux trucs, mais sont prêts à mettre. C'est la nostalgie, là, ça a une limite, quoi. Bah là, oui, ça vogue sur toutes les nouvelles consoles, quoi, tout simplement. Il y en a tellement. Non, mais je veux dire, le y a pas d'intérêt, quoi. C'est des vieux jeux, mais on va dire reskinés et effectivement, c'est des jeux gratos mobiles, quoi. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Okay. Tout, ouais, surtout, non. Donc, on est plutôt d'accord sur le fait que ça va très bien marcher, ça, pour cette fin d'année. On en parle, ouais. Allez, on termine très vite fait, parce qu'on a déjà réussi à être en retard, c'est incroyable, par les 60 ans de Sega. Alors, je sais que Jack, ça lui plaît. Sega ! Voilà, il y a plusieurs pubs totalement barrées qui viennent de sortir sur Internet pour fêter l'anniversaire de la marque. On revoit notamment Segata Sanchiro, un personnage de pub qu'on voyait beaucoup au Japon dans les années 90, qui a été rajeuni pour l'occasion. Maintenant, c'est son fils, vous le voyez là à l'écran actuellement si vous êtes sur notre live. Il devient Sega Shiro, c'est censé être son fils, donc. Et en gros, c'est tout un teasing pour annoncer des gros événements prévus toute l'année. Il y a notamment le mec chauve là, c'est lui, c'est Sega Shiro ? Non. C'est pas la même pub. Non, c'est une pub, c'est pas un mec chauve, c'est un mec avec plein de cheveux justement, c'est son fils. Ah, parce que je confonds avec le mec qui faisait. Ah, lui, lui, à mon avis, c'était Segata Sanchiro aussi, celui-là. Celui ah, qui oui, d'accord. Ouais. Mais il a fait un truc pour le 1er avril, je crois. Oui. Ouais, c'est ça, c'était bien drôle d'ailleurs. Bah ouais. Non, sorti le 4 avril. Mais c'était. Ouais, voilà, du coup, je pense que ça fait partie d'une série de pubs un peu tarées. Là, il y en a une que je vous montre là avec justement le nouveau. Voilà. C'est Puyo Puyo d'ailleurs. Il y a un nouveau site qui a ouvert avec un historique en images assez sympa des 60 ans de la marque et tout ça. Donc pour l'instant, on n'a pas de truc intéressant. T'as construit en se mettre sous la dent ? Non, voilà. Mais en tout cas, c'est 60 ans de Sega cette année et on peut s'attendre à des nouveaux trucs, peut-être des nouveaux jeux, je ne sais pas, peut-être un nouveau Sonic. Un bon anniversaire Sega, hein. Il y en a un qui va être content. Oui. Je suis trop content. Bah, j'espère qu'ils vont sortir du contenu, quoi. Bah, surtout, oui. Peu d'intérêt, sinon. Moi, alors, je sais pas si c'était du 1er avril, mais on y croit à la nouvelle console Sega ? Non. Hein. Non, je crois pas. Impossible, je pense. Mecs sont dans l'arcade maintenant. Impossible, non, mais extrêmement peu probable. Je vous invite à réécouter une ancienne émission où on parlait de est-ce qu'il y a de la place pour un nouveau constructeur et des nouvelles consoles. Voilà. Qui était, je ne sais plus, je crois que c'était fin de l'année dernière. Est-ce qu'on passerait pas au gros débat maintenant, éventuellement ? Vas-y là. Regarde, par exemple, j'appuie sur ce bouton et hop, il y a un jingle. Game Trip FM, le jeu vidéo, c'est dans les tripes. Game Trip FM. Suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. conditions d'achat dans la limite des stocks disponibles en maison jusqu'au tribunal d'instance des conseillers. Vas-y, parle sur le jingle, y'a pas de problème. Jeter notice, attention au train, manger, bouger, ne pas prescrire à la femme enceinte, penser à prendre une baguette, y'en a un peu plus, je vous laisse. Il y a vraiment des gros problèmes de compréhension chez certaines personnes de ce Discord. On est sur le confinement, évidemment. Évidemment, l'actu en ce moment. Le gros débat de cette émission spéciale, ça va être le confinement. On a publié sur Game Trip un gros dossier de ces jeux qui bouffent pas mal de temps et qui sont idéaux, du coup, pour le confinement. Il y avait un bon gros Daggerfall, par exemple, car tous les The Elder Scrolls sont bien chronophages, évidemment. Morrowind, c'était 400 heures de jeu, par exemple, en moyenne. Il y avait aussi Roller Coaster Tycoon, globalement, tous les jeux un peu de gestion sandbox du genre. Autre jeu bouffetant oldies, il y aurait Tetris, les Championship Manager ou l'entraîneur en français. Et puis j'ai mis aussi quelques jeux qui sont si durs qu'on peut perdre des tas d'heures, genre Ghosts and Goblins ou le fameux Dragon Slayer, évidemment. Alors, et vous, à quoi jouer avec ses enfants pour les occuper si vous en avez en âge de jouer, ou en famille avec votre femme, ou tout simplement qui sont tellement prenants qu'on peut y perdre un peu sa vie quand on commence à le lancer? Quels seraient vos conseils pour un bon confinement? On parle de rétro gaming toujours? Ah bah de préférence oui, mais après si t'as des trucs. Mais non mais. Et ça c'était une question à la Jack, hein, on est d'accord? Ah, c'est un point Jack. C'est Jackifi. Bah le truc c'est que si tu commences si tu lances Football Manager avec ta meuf, c'est Jack, c'est la bonne en fait, et qu'elle te quitte pas dans la foulée. Oui, c'est vrai. Mais Oh, c'est pas très clivant. Bah, de toute façon, tous les simulateurs tombent de merde, genre Truck Simulator. Non, tu peux pas passer des heures. Les merdes comme ça. Mais bien sûr que si. Les Sims, c'est à la limite. Non, alors les jeux, moi, qui peuvent faire passer le temps extrêmement vite, c'est effectivement tous les jeux de gestion, type SimCity, Theme Hospital. Roller Coaster Tycoon, Zoo Tycoon, enfin tous ces jeux-là, c'est. Et les nouveaux. Le temps il passe tellement vite quoi. Une seconde c'est une heure, c'est. Enfin c'est. Planet Zoo, Planet Tycoon pour les. Planet Coaster pour les deux nouveaux. Les qui... Planet Coaster pour les jeux plus récents, ouais, mais moi les jeux de gestion c'est ça quoi. C'est en plus. Je suis du style à une fois que j'ai fini la mission, bah c'est pas grave, je continue à rester sur la même map pour. Dans Roller Coaster Tycoon, en l'occurrence, je reste sur la même map pour essayer d'optimiser le truc, vraiment. Genre débloquer tous les manèges que la carte peut débloquer, genre tu vois. Genre... Et une fois seulement que j'ai fait tout ça, alors je passe à la mission suivante. Et du coup, le jeu, il peut. Enfin... Et en vrai, si t'as pas envie de passer à la mission suivante, tu peux quoi. Tu t'en fous. Donc, c'est assez... Vous jouez solo, ça. Je me suis refait des jeux Mega Drive. Genre les Shining Force, en fait. Bah, parce que. Parce que moi je supporte pas justement de jouer à un jeu de gestion parce que ça me gonfle plus au point. Faut réfléchir. Mais par contre d'accord, ok. Mais non, tout n'importe quel jeu RPG ou justement du Shining Force ou des choses comme ça, c'est je peux y passer. Enfin, s'il prend 60 heures, c'est tant mieux en fait. Donc mais tu peux pas jouer effectivement à deux, tu peux pas avoir ta meuf à côté. J'avais mis aussi pour jouer à plusieurs, tu peux lancer un bon Street of Rage. Ouais. Ah oui. Un Golden Axe. Voilà, il y a plein de jeux à plusieurs. Tu peux un Gunstar Heroes. Voilà, il y a que des pépites quoi en coop, ça peut être vite très très sympa. Après tu peux jouer au seul et vrai unique Battle Royale de l'univers, c'est Bomberman, et puis voilà quoi. Carrément, mais carrément. Tu joues à 4 et puis voilà, c'est assez ouf quoi. Ouais, FIFA 98. Type de décrocher. Ouais. Alors FIFA 98. Je gueule, mais je viens de perdre à Castle of Illusion. D'accord. Donc il y a des gens qui sont pas du tout dans l'émission visiblement. Sega Bass Fishing sur Dreamcast, nous dit Tourche évidemment, avec la canne à pêche bien sûr, histoire de prendre l'air en taquinant de la truite. On en a passé des heures, on a mis là-dessus. Bien sûr, taquiner de la truite. Et Wipeout sinon. Wipeout, mais c'est pas long Wipeout. Bah tu passes si tu veux jouer à plusieurs, tu te fous de ma gueule. Plusieurs, ça déchire. Destruction Derby. Pour revenir sur Sega Bass Fishing, qui est quand même une extrêmement bonne idée, rien que pour l'accessoire. Enfin, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. Avec la canne à pêche. Joué sur PS1, sur PS1, PS2, je crois, ils en avaient sorti aussi. Alors, moi, c'était sur Dreamcast et j'étais chez Tourche, et putain, on en a passé des heures, et c'était. Mais addictif de ouf, quoi. Mais c'était vraiment. Alors que. Basiquement, ça n'a rien à voir avec la pêche. Il y a plein de gens, qui ont continué un peu sur cette idée-là. Enfin, il y a eu des. Je crois que c'est Hunter, je sais pas quoi, ou c'est un jeu de chasse. Un Big Buck Hunter. Ouais, non, un truc beaucoup plus récent. Bah, avec Buck Hunter, c'est récent. Non. Mais c'est récent. Quand je dis récent, c'est genre il y a les 5 dernières années, non? Bah, il y a eu peut-être garder la licence, quoi. Ouais, je sais pas. Bah, du coup, ouais, des jeux comme ça où c'est un truc. Il y a R, quoi. Mais quand tu regardes vraiment. Il y a R, frérot. Mais non, mais vraiment, c'est un jeu, ouais, contemplatif, quoi. Où il se passe pas grand-chose. Non. Tu perds un c'est peu rigolo temps. Parce qu'on en parlait. Je regardais, j'avais un jeu qui s'appelait Bassmaster sur Mega Drive. Il y a un jeu de pêche sur Mega Drive. Voilà, vous serez content de le savoir. Oui. Bassmaster Classic. Je suis content. Mais en fait, le problème. Bon, ah bon. Oui. Vas-y. Non, mais le problème du truc sur Dreamcast, c'est l'accessoire, il est pas donné, quoi. Mais c'est vrai que le jeu a l'air cool. Ah bah oui, sans au hasard là. Sans la canne à pêche, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, il y a Sunset Riders qui est un excellent jeu pour jouer à deux. Ouais. Ah, je connais pas, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu de western, il est vachement bien. Un jeu en western, ouais, qui était sorti sur borne d'arcade à l'époque et qu'ils ont. NES et Mega Drive, il me semble. À deux, c'est terrible. Il y a Zombies et Hit My Girls aussi qui est excellent. Oui. On l'a testé sur Game Trip, évidemment. À deux joueurs, il y a de quoi faire. Deux joueurs qui est vraiment aussi cool en coop, c'était, je sais pas si vous connaissez, c'est Goof Troop. Ah ouais, fantastique. Mais excellent à deux. À deux, il est top de top, quoi. Mais à deux avec qui? Parce que moi, avec mes enfants, je peux jouer à Goof Troop. Par contre, avec ma femme, je me fais un petit House of the Dead. Et ça, c'est cool. Je vous mets Sunset Riders excellent. En vidéo, là, ouais. Sur le stream, si vous regardez. En pleine période de confinement, House of the Dead, ça, c'est bien. Ça nous permet de prendre nos battre. Les techniques de survie en milieu hostile. Non, mais je me suis découvert Trauma Team, je sais pas si vous connaissez. Oui. Bah, Trauma Team. Non, Trauma Team, figure-toi. Parce que Trauma Center, ils avaient sorti Seconde Opinion sur lui. Trauma Team, il est sorti Costets. Mais dans celui-là, donc, tu as la traditionnelle opération, mais tu as également de la médecine légale. Tu as du diagnostic. Légal. Et tu as également des opérations d'urgence en cas de. Pas de pandémie, mais en cas de d'attentat ou ce genre de truc. C'est assez cool. Ouais. Non, il y a oui, il y a plein de jeux. Les sandbox, juste un peu se tenter, c'est pas très trash. Les sandbox ont bien cartonné grâce au coronavirus, je pense. Beaucoup de jeux un peu Roblox notamment. Ouais. Minecraft qui retrouve un petit peu de ses couleurs même s'il n'en a jamais vraiment perdu. Bah c'est sûr, enfin non, bah, dans ce cas-là, est-ce qu'on parle des nouveaux trucs, mais dans ce cas-là, c'est Animal Crossing quoi, où tu fais tout dans ce cas-là. Et voilà, et Animal Crossing. Et où tu mets ta enfin sans être du tout bon moment quoi. Ouais, c'est ça, mais sans être du tout sexiste, parce que c'est absolument pas mon genre. Non, bon. Tu mets ta meuf dessus, enfin, c'est terminé, tu la vois. Et comme plus. Ça, elle se tait. Un peu comme ma... Elle se tait. Oh là. Oui, aussi. On t'a compris. Mais justement, pour parler des nouveaux jeux, justement, y en a plein qui surfent, on va dire, c'est un peu sur la vague, mais... Humble Bundle, par exemple, qui vient de proposer, là, il y a quelques jours, un pack de 30 jeux pour le confinement. Donc tu vois, par exemple, il y a des sites comme ça qui... Bon, après, il y a le bon truc à côté. Hein. C'est un pack à 28 balles. Si t'achetais tout, ça ferait 1000 euros à peu près. Il y a tout. Il y a du Fahrenheit, du Darksiders, The World Revolution, Sniper Elite, tout ça. Et le tout est reversé après à des associations. Ça se termine... Bah, t'as 4 jeux cool, le reste, c'est un peu des merdouilles. Ah, le principe d'Humble Bundle, c'est ça, de toute façon. Hein. C'est t'achètes moins cher, mais pour avoir 2 jeux bien et 5 jeux merdiques. Mais, c'est... Voilà, donc du coup, voilà, c'est un petit truc... Minecraft aussi a profité de la période là, pour annoncer du contenu éducatif sur son Minecraft version éducative. Donc, ils peuvent jouer gratuitement un espèce de DLC gratos, DLC complet pour visiter les monuments. Tu as la Maison Blanche, les fonds marins, la station internationale, des trucs comme ça. Donc, tu vois, tu as plusieurs jeux quand même qui en ont profité un peu. C'est des jeux qui savent. Qui sachent se moduler. Ouais. Qui croivent qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu pendant le confinement quoi. Alors si vous voulez la vraie bonne idée là pour le confinement pour vos enfants, moi j'ai remis Adibou, la version CD qui est sortie dans les années 90-2000 et c'est vachement bien, le gamin il passe un temps fou et puis ils apprennent des trucs. Donc Cocktail Vision, Muriel Travis, tout ça. Évidemment. Qu'on embrasse, qu'on salue, qui nous lit pour de vrai, je déconne pas, bisous à Muriel. Mais ouais, j'essaye de faire remarcher Adi, parce que moi j'ai commencé avec Adi plus qu'Adibou. Ouais, du collège. Je n'y arrive plus. Et on voit ce que t'es devenu, putain. Bah, ouais, une star de la radio. Un avis sur le Facebook officiel Game Trip aussi, d'ailleurs. Vous avez aussi donné vos jeux préférés pour la pandémie. Yolande qui nous dit SimCity 3000. Bah, pourquoi pas, en ouais. Effet. Ouais, allez, mais... Tous les Mario, c'est les Pokémon. Il y a Max qui nous dit qu'il s'est refait Far Cry 4. Et globalement toute la série des Far Cry. Et puis aussi, on parle aussi de The Way, une grosse pépite à la Another World, des flashbacks. C'est apparemment un puzzle, platformer financé sur Kickstarter. Il était en promo sur Switch, il était pas mal du tout, vraiment pas mal. Il y avait certains casse-têtes qui avaient été refaits par rapport à la version Steam, donc ceux qui ont été déçus par la version Steam sur Switch, c'est des trucs qui avaient été corrigés, parce que c'était une vraie horreur à jouer par moment, mais il était vraiment pas mal, une esthétique assez sympa. Après je l'ai fait par certains passages avec une solution sur les genoux, quoi, mais il vaut le coup. Bah, il est sorti sur PC en effet en 2016, il vient de ressortir sur Switch fin d'année dernière là, et c'est vraiment très inspiré des jeux d'Eric Chahi, donc on nous le conseille pour le confinement. Est-ce que maintenant que la mode non, j'allais dire la mode du confinement est finie, est-ce que les gens vont rechercher des interactions sociales quand ils vont sortir finalement? Je pense qu'à la fin de la pandémie. Laisse-moi pas te sortir. Non, mais à la fin de la pandémie, les gens vont peut-être plus arrêter de. Ils vont plus jouer. Ou alors ils vont tous jouer. Il y aura beaucoup plus de gamers, beaucoup plus de. Des gens qui cherchent le lien, des chasseurs, des tueurs en série, des gamers, des trucs comme ça, quoi. Alors je sais pas, tu vois, je vais prendre une analogie qui n'est pas de moi, qui est fortement connue, mais est-ce que si tu rends la vue un aveugle, il continue à marcher en tâtonnant dans le noir? Je suis pas sûr. Ah si, je pense que les gens, quand ils pourront retourner dehors, ils retourneront dehors, ils vont arrêter de jouer. Ouais. À grande déception, certes, mais je pense ça n'aura qu'un temps, je pense. Hein. Ouais, à la limite. Ça dépend, est-ce qu'on parle des gens qui sont amateurs de jeux à la base ou pas du tout, et qui sont mis par défaut? Le dernier rapport disait qu'il y avait, je sais plus, 75% de la population qui joue au moins une fois tous les jours à des jeux vidéo, donc tout le monde est un peu gamer aujourd'hui. Oui, mais attention, quand tu dis jeux vidéo, on parle de jeux vidéo mobile, donc faut rester lucide dans tout ça. On parle de Tetris sur ses chiottes, je sais. C'est pas des vrais jeux vidéo à proprement dire. En parlant de mobile, je vais quand même abonder dans le sens de Yako pour une fois, avec Plague Incorporated, qui vraiment fait un carton en ce moment. On en parlera et qui est vachement rigolo à jouer. On a déjà parlé ces trois derniers mois. On en reparlera. Ils ont sorti une nouvelle version qui prend le contre-pied maintenant. Il faut aider les gens, il faut plus les tuer. Voilà. Bande d'opportunistes. Il y a Tourche qui nous dit que Turtle in Times, c'est mon choix ultime. Grosse embrouille, je m'en lasse pas. Vraiment. Oui, ça c'était très très bien ça. Mais tu joues avec ça avec ta femme, Tourche? Parce que moi, ma femme, je lui mets Turtle in Times, elle me. Comme d'hab, elle joue pas. Bah, tu peux jouer avec tes enfants, peut-être. Ouais, je peux essayer, ouais. Ah, mais non, mais c'est vrai que Turtle in Time à 2, c'était assez. Street of assez Rage. Ouf. Mais après. Bon, après, ouais, bon, il y a les classiques Street of Rage, Golden Axe. Surtout que Street of Rage 4 qui va sortir bientôt, là, on en a parlé l'émission dernière d'ailleurs. Après, y a, en coop, il y a énormément de jeux. Alors, moi, il y avait un jeu que j'aimais c'est beaucoup. C'est un bon point and click, hein, avec ta meuf. Carrément, ouais, moi j'essaie mais j'arrive pas, mais même ça elle veut pas, hein. Pourtant on a le même problème, hein. Bah pourtant moi je lui dis, mais attends, un Broken Sword c'est magnifique, c'est aussi bien que de regarder une série sur Netflix, de regarder le premier épisode 2 de... c'est génial, ouais, c'est vrai, qui réfléchit dans son coin, ouais. Après c'est... tous les jeux de dance à la con, hein, ça c'est un truc de... oui, ouais, effectivement, moi pour mais... les pareil pour les gamins, les jeux de dance c'est bien, ça leur permet de se défouler un petit peu, bon, ils sont devant un écran. Mais moi ça leur permet de bouger, pour ceux qui peuvent pas forcément aller dans un jardin ou un truc, c'est pas mal du tout. Ah bah tiens, justement. Ah d'ailleurs. Ouais, vas-y. Juste un dernier truc. Si vous avez jamais testé, alors le premier est en free to play sur Steam. C'est un jeu qui s'appelle We Were Here. Ah et, oui. Et en gros, ça se joue à deux justement en coop. Alors, ça c'est rien du tout ça. Et en fait, t'es. Non, c'est de l'asynchrone en fait. C'est les coops, tu sais, où chacun fait un truc différent. Chacun est dans une partie. En fait, t'es retrouvé dans un lieu chelou en Antarctique, je crois, un truc comme ça. Et du coup, chacun est dans une partie différente ou dans une espèce de manoir. Et en fait, t'en as un qui doit résoudre les énigmes et l'autre qui doit l'aider en fait dans le talkie-walkie. En bon fait, là, en l'occurrence, ouais, tu fais ça sur Discord. Ils sont piégés. Mais c'est gratos, ça. Le premier est gratos et les deux autres c'est genre 10 balles les deux ou un truc comme ça. C'est vraiment vraiment cool. Les deux sont piégés les jeux sont piégés dans un espèce de dédale. Un peu occulte, et doivent réussir à sortir de la pièce, et chacun ont des parties d'énigmes, chacun dans leur pièce respective, et doivent s'entraider en vocal pour pouvoir ouvrir les accès. Ouais, ils ont compris comment vendre deux jeux d'un coup. Mais non, ils sont bons, ils sont bons. Mais c'est vraiment ça. C'est des jeux asymétriques, comme là j'en ai un qui est en vert. Le Stitching, par exemple. Il y en a un qui est en vert, mais qui est aussi en PC en version normale, c'est Keep Talking and Nobody Explode. C'est un jeu où tu joues un démineur de bombes. Alors quelqu'un a le casque sur les yeux, donc ne voit pas le manuel, et l'autre a le manuel de jeu et doit faire déminer la bombe. Et en fait, c'est plein de mini-jeux qui doivent être faits dans un temps imparti avant que la bombe explose. Quoi. C'est un jeu aussi qu'il y a plein de gens qui ont fait sur YouTube des séries comme ça assez marrantes. Ouais, c'est intéressant le truc. Mais pour jouer à deux, il faut que les deux aient le jeu. On est d'accord. Non, il faut un jeu. Tu peux avoir un jeu. Ah bah non, pour le We Were Here, faut que les deux aient le jeu. Ah, ouais, voilà, c'est parce que j'avais compris. Donc c'est une très bonne idée pour en vendre deux d'un coup. Quoi. Oui. Ah bah t'as plein de jeux qui comme The Way Out, t'as acheté un jeu, c'était deux mecs qui étaient en prison et chacun avait une vue différente parce qu'ils jouaient deux personnages différents. Si t'avais un jeu, le deuxième pouvait jouer aussi en partageant le matin avec le Steam, je sais plus quoi là, tu peux partager ton jeu avec une personne. Ah, ouais, pourquoi ça, pas, c'est un truc intéressant. Ouais, voilà. On parlait de santé juste avant là avec les enfants qui se défoulent. Juste un petit truc en plus qui est tombé pendant le confinement. L'OMS qui s'est battu, on a déjà parlé ici, qui s'est battu pendant des années contre les jeux vidéo, qui vient de les mettre dans le catalogue officiel des maladies en disant que attention. L'addiction, oui, bien sûr. Et ben l'OMS soutient une initiative menée par les éditeurs de jeux vidéo, appelant les joueurs du monde entier à rester sagement confinés devant leur écran le temps de la pandémie. Et donc ils disent, bah voilà, il faut, y a une campagne qui vient d'être lancée qui s'appelle Play Apart Together. Ouais, c'est ça, c'est jouer aux jeux vidéo. Voilà, l'occasion pour les joueurs de garder le contact social. Tu vois, l'OMS, voilà. Ils disent aussi, alors. Ah bah les réponses Twitter à ce truc, ça a été oui. L'OMS devient une fabrique à crétins. Enfin. Bah ça c'est un classique. C'est l'inverse. Bah, même certains qui font de la radio. Oui, en plus. C'est-à-dire à quel point ils ont raté leur vie. Ah oui, carrément. La France se réveille. Clairement. Donc voilà, donc jouez aux jeux vidéo évidemment tout en restant chez vous. En tout cas, ça favorise le lien social. Mais si vous jouez plus de 24 heures par jour, ça craint. Ouais, je sais plus, mais il y avait un truc, si vous jouez plus que ça, bah, ça devient du coup une addiction. Donc faites gaffe un peu quand même. On sait pas trop. Même l'OMS ne sait pas. Faites gaffe. Voilà. 8 heures par jour pendant 6 mois, je crois. C'est ça qu'il disait l'OMS. Si tu joues plus de 8 heures par jour pendant 6 mois, pendant 12 mois, un an, je crois. Pendant 12 mois, puisqu'il a perdu, c'était une question du quiz le mois dernier. Ouais, c'était 12 mois, voilà. On te rappelle. Après 8 heures par jour pendant 12 mois, sans rater un seul jour. C'est chaud. Honnêtement, ouais, c'est chaud, frère. Fait, ouais, c'est chaud, quoi. Easy, je l'ai déjà fait. pas plus tard. À du moment où t'as un minimum de taf, c'est compliqué, quoi. Même. C'est vrai. Non, tu joues la nuit, moi, tu dors plus, t'es fort. Exactement. Très bien, et eh ben on va passer du coup à la dernière partie puisque ce n'est qu'une heure hein, ce mois-ci, je le rappelle, enfin en tout cas c'est cette semaine puisqu'il y en aura une autre dans deux semaines d'émission. Et du coup on va passer à la dernière partie et je vais réexpliquer les règles de la dernière partie juste après le jingle, donc il ne faut pas parler Jack. On garde ou on jette le tout venant de l'actu. Tu peux parler Jack. Ah alors le tout venant. À l'inverse du Psartek ou Balek, on va rappeler le principe. Comme on est une émission de rétro gaming, on va pas parler de toutes les infos non rétro de ce mois-ci, enfin des deux dernières semaines. On n'aura pas le temps de toute façon. Donc je vais vous donner vaguement l'intitulé. Vous allez me dire si on en parle ou pas. Si personne ne veut en parler, ben on jette à la benne. Et puis si quelqu'un en veut en parler, ben on en parlera. Après il y a des trucs. Ah, à la benne Botmer. Allez. Oh, tu balances, arrête de balancer des blases comme ça. Après il y a des trucs. Je vous dis, il y a des trucs dont on va parler forcément parce que je me suis fait chier à trouver des vidéos pour les illustrer dans le live là à côté. Donc voilà. Donc par exemple celui-là. Oh, censure, quoi. Par exemple celui-là, on va en parler. J'allais dire préviens-nous à vous comme ça on dit tous qu'on veut pas en parler. Ah c'est génial. Le confinement provoque la hausse des jeux et des consoles en Europe. Est-ce que ça vous intéresse? La hausse des jeux. Bien sûr que la hausse des jeux. La vente la des jeux. La hausse du prix. La vente des jeux. Hausse. Ah, hausse des ventes, d'accord. Oui, bah, du coup, on en parle. Oui, bah, on va en parler, parce qu'on est obligé. J'ai fait un graphique. Oui, alors regardez, j'ai fait un graphique. Non, c'est juste que j'ai une vidéo de BBC News. Steam qui a battu des records d'utilisation simultanée pendant 3 semaines. Le pic, c'était environ 24 millions de joueurs en même temps. Voilà. Allez. Et presque autant que Pornhub, quoi. Oh, quand même, c'est largement moins. Y a un rapport de Game Industry aussi qui montre que 4,3 millions de jeux ont été achetés durant la semaine du 16 au 22 mars, là, donc plus ou moins quand le confinement a commencé. C'est 63% de plus sur une semaine. Et c'est évidemment Nintendo qui en profite le plus, notamment grâce à Animal Crossing. Voilà. Évidemment. Un bon jeu pour le confinement. Moi, je dirais, théorie du complot, est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Évidemment, tout ça pour vendre des jeux, bravo. Ah oui, parce que Nintendo, c'est chinois. Bah, hein. Ah non. Ils sont bridés. C'est tout pareil tout ça. C'est putain de Nyakwe. Des Pokémon, tu veux dire. Et puis cette semaine-là, il y a aussi eu 155% de hausse de vente de consoles aussi. Il y a pas que les voilà, il y a aussi les consoles. 250. Bah, la Switch qui de toute façon, il y a tellement de gens qui n'avaient pas de Switch à la base qui l'ont pris juste pour Animal Crossing. Bah là, j'ai un ami qui bossait dans la grande distribution qui a testé parce qu'il disait première nécessité, les mecs, il a été dépouillé de toutes ses sorties, de toutes ses consoles. Quelques jours avant le confinement, les gens sont venus en masse pour acheter des machines. Mais ben, première nécessité, bien sûr. Alors moi, faut quand même... Bah après, t'habites à Singapour, après, c'est pareil, hein, les magasins sont vides. Ouais, ben, le Ring Fit, notamment en Chine, il s'arrache à prix d'or, parce que les mecs veulent du sport chez eux. Mais Il me semblait... Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semblait que cette histoire de produits de première nécessité, c'était un peu du bullshit, dans le sens où à partir du moment où t'allais dans un magasin qui était autorisé d'ouvrir, tout ce que le magasin vend est considéré comme des produits de première nécessité. Donc, C'est pas vraiment ça, c'est surtout que la police a pas le droit de t'en faire la critique. Pas le droit de te faire la reproche. Ils n'ont même pas le droit de regarder ce que t'as dans ton panier. Oui, c'était dans ce sens-là que je voulais dire. Après, c'est une question de... l'honnêteté morale, mais effectivement, normalement, voilà. Mais on peut m'expliquer pourquoi il n'y a plus de... Ça fait 3 semaines que je fais des courses, et à chaque fois, il n'y a pas de farine. C'est genre le truc que oui, les gens... Oui, mais apparemment, tout le monde... Ben, je sais pas, il y a tout le monde qui se dit, tiens, je vais faire mon pain à la maison. Alors... Ah, c'est ça, tout le monde fait des gâteaux. D'accord. C'est dégueulasse. Parce qu'il y a genre... Quoi, pas à la maison, ça fait 3 semaines, il n'y a plus de farine. Moi, je trouve de la farine, je ne trouve pas d'œufs. Il y a pas d'œufs. Ah, ça, j'en ai plein, ça. Ah, si, moi... Alors, fait un troc, si tu veux. Eh, des œufs, il n'y en a pas. Ah, mais moi j'ai des œufs si t'as de la farine. Ça dépend des boutiques. Moi j'ai pas de farine, moi je fais pas de gâteau, je m'en bats les couilles. T'as des boutiques qui sont pillées et puis t'as des boutiques où ça va. C'est incroyable ça. Alors qu'en vrai, tu vas au Leclerc où tu veux, il n'y a plus de rayons vides. Pendant les premières semaines, il y avait des gens qui étaient débiles qui achetaient des pâtes. Ouais, du coup, Leclerc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des, tu sais, dans les rayons saisonniers, là, il a mis des sacs de pâtes de 2 kilos. C'est pas des conneries, hein, chez moi, chez moi, ils ont des sacs de pâtes de 2 kilos. Dans les limites, ils ont laissé la palette, tu vois. Mmh. Et personne n'y touche. Donc, c'est. Voilà, quoi. C'est très Est-ce qu'on ne dériverait pas un peu du sujet mais... Effectivement, tu as raison, Jimmy. Ah non, les consoles de jeux sont des produits de première nécessité. Voilà. Confinement toujours. La QuakeCon qui a été annulée, la Gamescom, ça ne saurait tarder. Est-ce qu'on en parle? E3 aussi, non? E3, on l'a déjà dit la dernière fois. Ça fait longtemps que ça a été annulé. Ah oui, c'est vrai, on l'a dit la dernière fois. Bah, c'était en... Non, bah, là, c'est en mai. Ça devait être en mai. Ouais, pourquoi pas. La QuakeCon, donc, voilà, prévu pour août. Ah, je suis le seul à décider, votre ami. Okay. Bah, à partir du moment où quelqu'un veut en parler, on en parle. D'accord. Bon, les organisateurs ont dit que ça serait annulé et non repoussé, hein, donc c'est pour août. C'est peut-être un peu tôt pour décider, mais bon, voilà. C'est où ça, que quand ça se déroule où? Peut-être San Francisco. Los Angeles, je crois. Et la Gamescom, c'est en Allemagne? C'est à Cologne, ouais. Et eux, ils ont dit on se laisse un peu le temps de décider. Je crois que c'est en juin, je pense, la Gamescom. C'est en août. C'est en août, ouais. Donc du coup, bah, tu vois, ça, c'est en même temps, et du coup, il y en a un qui a dit, bon, nous, on a quand même largement le temps de voir venir, donc ils se donnent jusqu'à mai pour annuler. Voilà. De toute façon, ils ont annoncé hier que la Gamescom ce serait au moins en version virtuelle, on va dire. Ils vont tout faire en ligne, okay. Si jamais. Ouais, bah, ils vont tous faire comme ça quasiment. Enfin, après, en vrai, ça... le truc c'est qu'ils vont s'apercevoir tous les organes comme ça qu'au final ils font. Ça va faire un truc quoi. Ouais, ça sert à rien de faire un truc physique. Et... Que les gens viendront pas de toute façon. Donc... Je suis pas sûr que ça sert à rien de faire un physique. Hein. Je pense que. Particulièrement pour tous les gens qui font du cosplay et des trucs comme ça. Ça sert à rien pour entre guillemets, les annonces et tout ça, je veux dire. Après, oui, pour les trucs. Bien sûr que non, pour les annonces, on est d'accord que ça sert à rien. Mais c'est... Pour les trucs de cosplay, il y a plus des salons ou des Comic-Con, des vidéos en général. Ah, mais j'ai l'impression, pour avoir fait pas mal de Paris Games Week, il y a beaucoup de gens qui vont, genre, ils en ont rien à foutre de ce qui s'y passe. Hein. Ils vont juste pour montrer leur costume d'Iron Man. Ouais. Voilà, leur costume fait maison, quoi. Plus ou moins bien réussi en fonction d'eux, mais. Enfin, si je veux rien apprendre sur un jeu vidéo, je vais à la Paris Games Week, tu vois. En vrai, oui. Hein. Non, mais vraiment. Mais sur presque tous maintenant, je te dis, on a déjà parlé la dernière fois, pour moi, à part la Gamescom et la TGS, le TGS, c'est pas la Toulouse Game Show, mais à part les deux là, il n'y a plus personne qui annonce. Surtout que Sony fait son truc à côté, que maintenant Microsoft veut faire à peu près pareil. Nintendo, ils ont le Nintendo Direct. Voilà, ils ont tous leur vrai conf à eux, et et après ils présentent des trucs déjà présentés dans les salons, sauf vraiment le TGS où t'as encore les gros constructeurs et notamment les japonais qui préfèrent favoriser le TGS pour annoncer, notamment Nintendo qui le fait vachement, voilà, et après c'est tout quoi. Et après la Gamescom, t'as encore 2-3 annonces en général à Gamescom, mais les autres sont pas, ça fait longtemps. Là t'as même Microsoft qui a commencé, alors l'autre fois c'était un truc indigeste sur les performances techniques de la future Xbox. Ah, c'est le premier truc dont on va, c'est le prochain truc dont on va parler. Ok, désolé, mais c'était un rêve. Donc tu vas en parler, très bien, ok, alors on va en parler justement. StarTech, c'était regardable. Et bah, je vous la diffuse là, c'était la conférence sur la Xbox. T'as 4 minutes. Justement, la conférence sur la Xbox, oui, en effet, c'était regardable. Tout le monde a dit ça. Ils ont rien compris à la conférence. C'était. Mais c'est ça, c'est que c'est un truc réservé aux devs en gros et aux techniciens quoi. Nous, en tant qu'utilisateur potentiel, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, en fait, ils font tous la course au teraflop. On l'a déjà dit la dernière fois, la puissance de calcul de la machine, tout ça. Et en fait, je me rends compte, tout le monde s'en fout en fait. Enfin, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que là, ils ont. Mais parce que les gens, ils veulent juste savoir ce. Quel jeu gratuit. Genre que leur futur God of War, il sera plus beau que celui de la version d'avant, et c'est tout. Enfin. Ouais. Honnêtement, tu leur mets à chacun un trailer, un sur Xbox One et un sur Xbox Series X, et tu leur montres la différence. Oui. Juste comme ça, tu prends 4 minutes et c'est torché quoi. C'est ça. C'est pas faux. T'avais les 8 et 16 bits, et du coup, c'est le double. Alors que les teraflops, ça parle peut-être moins aux gens quoi. Bah, non, 42 millions de teraflops, on est passé à 47. Non, mais aujourd'hui, tu leur dis, voilà, là, j'ai les specs justement des nouvelles Xbox et de nouvelles PS5 qui ont été annoncées là. Donc par exemple, le GPU, le moteur graphique de la Xbox Series X, c'est 12 teraflops. La PS5, c'est 10,28 teraflops. Très bien. Le grand public, qu'est-ce qu'un teraflop? Est-ce que le grand public sait ce que c'est? Non. Donc moi perso je sais pas, tu vois, donc je suis pas non plus, mais je m'en fous, les gens ils veulent juste voir le design et ce qui tourne dessus. Ouais, c'est ça. Ah, mais les bits non plus, on savait pas ce que c'était, les bits et 16 bits. Ouais, mais c'était marketing, tu savais. Non, mais tu savais pas, que c'est les magazines qui te disaient celle-ci elle fait deux fois plus de bits. Bah voilà, c'est ça. Surtout que des fois tu savais pas ce que c'était non plus. Ça donnait une échelle de grandeur dans le sens où t'as vu à la NES, tu savais ce que c'était du 8 bits, donc tu te dis 16 bits, ça va être deux fois mieux. Effectivement, c'était deux fois mieux. Donc, oui, mais là, tu peux te dire pareil pour les teraflops, mais le truc, c'est qu'en fait, quand ils ont annoncé leur conférence, Microsoft, ils ont dit le problème, c'est que tout le monde s'est sur-hypé en disant ils vont annoncer la date et machin et tout ça. Et en fait, eux, ils ont juste dit on va faire une conf. Et les gens, jamais ils se sont dit, on va avoir une conf technique de merde et on s'en foutra quoi. Bah, la PS5 ils se sont a dit, fait. On va avoir une date parce qu'ils ont toujours rien dit, tout ça. La PS5 a fait un peu. Enfin, ils ont fait un truc un peu moins imbitable, mais en gros, ils ont montré aussi leurs caractéristiques et ils ont tout basé sur on a tant de teraflops, on a des disques durs en SSD et ils ont montré les specs du truc, mais tu fais ok, c'est cool, mais on veut des images quoi. Après, que ce soit des disques durs SSD, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses en fait. Enfin, oui, bah aujourd'hui, oui. Non. Mais apparemment, ça va être une révolution aussi, ça, pour les consoles. Je sais pas trop. Vu le poids des jeux, les temps de chargement, voilà la tronche des trucs, quoi. D'ailleurs, j'ai regardé un truc vite fait. Donc, sur les teraflops, là, justement, la Xbox Series X, son GPU, c'est 12, j'ai dit, et la PlayStation 5, c'est 10,28. Donc, la PlayStation 5, elle a 10,5 teraflops en graphique. Moi, j'ai regardé ma GTX 1080 qui a 2 ans, elle a 11 teraflops. Donc tu vas pas me dire qu'une PS5 qui va sortir l'année prochaine, elle est déjà dépassée, elle est physiquement dépassée par des cartes graphiques PC qui ont 2 ans. C'est quand même... PC Master Race, non, mais, bien sûr, PC Master Race, mais je veux dire, pourquoi baser ta com sur un truc en sachant que si du coup t'as quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il verra tout de suite que la console est dépassée, tu vois. Ouais, mais quel est le pourcentage de gens qui va aller regarder ça? Bah, il y en a beaucoup, mais le mec qui joue console, c'est pas... Le mec qui joue console et PC, c'est pas le même public. Ouais. Il y en a plein qui... Justement, le gars qui s'achète une console, c'est pour pas se casser le cul à mettre une carte graphique dans son ordinateur. Ouais, c'est vrai. Exactement. En tout cas, pour l'instant, Sony et Microsoft, ils ont dit, malgré la crise, pas de retard, il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a certains. Ça avance un peu quand même, hein, parce que on, là, rien que sur cette émission-là, on sait que c'est pas vrai. Bah, il y a certains studios, genre Kojima Productions, ils ont dit, voilà, ils ont mis. Il y a un employé qui a été touché par le virus chez Kojima, donc ils ont fermé le studio. Donc, bon, on sait pas trop encore vraiment si c'est vrai ou pas le principe. En même temps, le truc, c'est que le premier qui dit. Premier des deux qui dit ça sera retardé, il est baisé, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'aucun des deux. Il n'y a pas de date de sortie, on s'en fout, en fait. Oui, oui, c'est ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, donc c'est ça. Donc pour l'instant. Alors c'est juste que ça sort en 2020, mais c'est tout, quoi. Il y a des. Voilà. En 2020 quand même, c'est prévu. Non, il y a il y a même une date pour la Xbox. Alors c'était pour la PS5. Ça paye. Non, la Xbox. Ah non, mais c'est. Xbox. L'année 2020. Xbox pour novembre, apparemment. Ah ouais, d'accord. Avant les fêtes, quoi. Ouais, bah oui. Ah oui, marketing oblige. De toute façon, t'es obligé. Ouais. Allez, on continue un peu parce que là, il reste encore pas mal de trucs. On a fini là, il est 17h01. Eh ben salut, hein, nous on continue. Deux jeux Star Wars qui vont arriver sur Switch, est-ce qu'on en parle? Des deux vieux jeux en plus Star Wars. Ouais, c'est des merdes. Ouais, c'est des merdes, c'est ça. Voilà, c'était comme ça. T'as dit le mot. Ok, très bien. Non, bah alors vite fait, c'est Jedi Academy, l'immense Jedi Academy, dernier épisode de la saga Jedi Knight qui arrive sur Switch et PS4. Et Star Wars Racer, le Wipeout de George Lucas, avec des courses de pods. Très très bon ce jeu. Qui était. Il était bien sur arcade, mais en vrai. Ah, si, moi j'ai bien aimé sur PC à l'époque. Qui voguait sur le Star Wars 1. Il y avait une borne à Kinépolis à l'époque, je crois. Oh là, ah, j'ai jamais vu celle-ci. Ouais, avec les deux poignées là, tu sais, les deux poignées. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a eu deux versions. Il y a la version, tu sais, à deux joueurs, et t'avais la version Deluxe qui avait dans Disneyland notamment, avec juste un. Un gros pod, TRL, c'était assez classe. Mmh. Pour le côté technique, c'est des PCB à billes, donc du coup c'est super fragile, c'est pour ça qu'on n'en voit plus beaucoup. Voilà, ça c'était pour le côté. Les processeurs sont billés, et sont billés comme sur les PlayStation, comme sur les PlayStation 4, je crois, Juju, tu me contrediras ou pas. Ouais, voilà, c'est le même système. Si tu fais que les PlayStation 4, si tu les mets sur le côté, ben, le foire, et ben, c'est pareil pour les. C'est le même système de billage des processeurs. Des roulements à billes dans les processeurs, c'est parfait, comme dans les tiroirs. Half-Life 3 serait presque confirmé grâce à Alix. Est-ce qu'on en parle d'Alix aussi, tiens? Ah oui, carrément. Bah oui, évidemment. Alix, bon, vous y avez pas joué, je parie, hein? Parce que c'est un peu de la merde. On n'a pas de casque, on est des pauvres, nous. Ok. Ouais. Pour ceux qui sont confinés depuis 3 ans, je rappelle qu'Alix, c'est le nouveau jeu Half-Life en VR qui relance la série, qui globalement a été le carton annoncé, hein, sorti fin mars. Alors, sans trop spoiler, tout porte à croire que le HL3 tant attendu et inespéré est bien dans les cartons. Et même qu'en fait, ce serait le HL2 épisode 3 qui était prévu depuis plusieurs années. Ah bah oui. Voilà. Donc ce serait peut-être même en VR à nouveau. Et en tout cas. J'espère pas. J'espère pas non plus. En tout cas, Alix VR, l'épisode là, il a bien marché. 300 000 préco avant la sortie. Une sortie qui a été un peu chaotique à cause de la pandémie, évidemment. 120 000 casques Index Valve VR qui ont été achetés juste pour ce jeu. Je crois qu'en précommandant le jeu, d'ailleurs, on avait le casque, on avait le jeu gratuit. Donc voilà. Ce qui fait un peu cher le jeu, étant donné que ça marchait sur tous les autres casques qui étaient moins chers. Enfin bon. Et donc la rupture de stock a été très rapide. Et Alix, du coup, maintenant est offert avec tous les casques Vive Cosmos Elite à 999€ hors taxe, évidemment. Ouais, mais 1000 balles quoi. Voilà. Donc comme prévu. Mais t'as le jeu gratuit. Comme prévu. Oui, t'as le jeu gratuit. Voilà, il faut payer un casque de 1000 balles. Alors que ça marche sur un Oculus, pas le Rift, le nouveau là, qui est à 400€, je pense. Ah, le Go. Ouais, Go. Donc voilà, et comme prévu, bonne note, 12 heures de jeu en moyenne, la promesse. Oui, il a l'air classe. Hein. Voilà. Et pour le coup, ouais, il a l'air vraiment, vraiment cool niveau. Enfin, c'est vraiment de la VR de qualité, quoi. Oui. C'est pas du. Oui, oui. Technologiquement, ils se sont fait chier. Ouais, non, franchement. Il y a déjà des gens qui l'ont speedrun en 30 minutes. Je pense que si tu veux rentabiliser un peu ton casque à 1000 balles, vaut mieux pas le speedrun, je pense. Mais bon. Ah, ouais, pour le speedrun, à mon avis, ils ont dû le faire 3-4 fois. Donc, Ouais, ça va. Donc si tu veux rentabiliser ton casque, fais-le en speedrun. Ça sous-entend que tu l'auras fait 10 fois avant de réussir à faire un 30 minutes. Non, Valve, n'empêche, pour le coup, là, ils étaient attendus sur pas mal de trucs. Ils se touchent la nouille sur CS et sur plein de trucs et ils font rien, mais là, pas leur reprocher grand-chose. C'est une bonne année pour eux, je pense. Bonne grosse année. Du coup, ensuite, pandémie encore un petit peu. GDC, est-ce qu'on en parle la cérémonie, on l'avait dit il y a 2 semaines, elle a été reportée. Mais du coup, il y a la liste des gagnants qui a été dévoilée sur Internet. Vous rappelez la GDC, c'était celle où il y avait Untitled Goose Game qui était nommé dans les jeux de l'année, le jeu avec la loi. Avec la loi, ouais. Donc on en parle. Vous voulez la liser gagnant? Ouais. Vas-y, on voit. T'es gagnant. Ça tombe bien, j'ai une vidéo. Du coup, alors déjà, du coup, elle aura lieu. Et ils vont quand même la refaire en été, du 4 au 6 août. Et en attendant, ils ont quand même donné leur, leur truc. Et du coup, bah, le jeu de l'année, c'est Untitled Goose Game qui a reçu donc le prix. Classe. Voilà. Oh, incroyable. Et après, aucun, mais alors aucune surprise dans les autres trucs. Meilleure conception sonore, Control. Un meilleur premier jeu pour un studio, Disco Elysium. Meilleur design, meilleure innovation, Baba Is You. Meilleure narration, Disco Elysium. Meilleure technologie, Control. Meilleure direction artistique, Control. Bon, c'est tout le temps Control, Disco Elysium, comme dans tous les autres trucs. Le meilleur jeu VR, c'est Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Ok. Ils n'avaient pas encore testé Alix, je pense. Le prix du public, c'est Sky Children of Light. Mais de toute façon, c'est sur 2019, ou pas? Oui, c'est sur 2019. Ouais, voilà. Ouais, enfin... Jusqu'à... Si, si, c'est sur 2019, normalement. Enfin, jusqu'à février, quoi. Et à noter, le prix pionnier, alors ça, je voulais le nommer, car c'est pour moi un bel hommage, c'est Roberta Williams, la femme de Ken. Hein, tu... Ah, Sierra. Voilà, les deux qui ont créé Sierra Online, évidemment, et notamment la saga King Quest et Phantasmagoria, qui ont eu donc un prix pionnier. Classe. Prix d'honneur. Prix d'honneur, voilà, c'est ça, pour l'ensemble de... Comme Yves Guillemot Pégase, quoi. Oui, comme... Et Sierra, ça a été racheté par qui encore? Vivendi. Je sais plus. Vivendi, et après... C'était racheté Activision. Ah, c'est ça, c'est Vivendi, oui. Et après, oui, c'est racheté. Sierra, ça n'existe plus. Oui, je pense que c'est Vivendi, donc acquisition Blizzard, donc Activision Blizzard, je suppose. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ah, ça doit être ça, ouais. Sierra, peut-être. C'était toi qui avais racheté aussi Cocktail Vision? Cocktail Vision, oui, c'est Activision. Je suis pas sûr, Cocktail Vision. Sierra, oui, c'est bien Acti. C'est bien Activision. Et Cocktail Vision, Cocktail Vision, de toute façon, a été racheté par Sierra, mais a été plus ou moins fermé en 2011, par Mindscape. Avant son rachat. Oui, Mindscape a racheté le catalogue de jeux, mais Activision n'existe plus, en fait. Coronavirus, toujours un petit peu d'infos en vrac vite fait. Sony qui crée un fonds d'aide de 100 millions de dollars pour les soignants, les éducateurs et les créateurs de divertissement. Il y a plusieurs aux autres constructeurs qui ont fait ça. CD Projekt Red, par exemple, qui fait un don d'1 million d'euros à la recherche. Rockstar qui reverse 5% des revenus de GTA et de Red Dead Online à des associations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Folding at Home. Est-ce que vous avez entendu parler de ce truc, Folding at Home? Pour aider... Ah, pour mettre ton process... enfin, tes ressources PC à la... Oui, pour faire de la pression 3D. Alors en pour aider à la recherche. Ouais, c'est d'accord. Une initiative scientifique qui fait que tu t'installes un petit programme sur ta carte graphique, enfin sur ton PC, et il utilise la puissance non utilisée de ta carte pour la convertir en puissance de calcul pour les serveurs de la recherche. En gros, tu fais des calculs toi-même pour la recherche sans avoir à bouger de chez toi, et ça utilise la mémoire non utilisée, donc du coup ça ne fait pas ni ramer tes jeux ni quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est un petit programme qui s'installe, voilà, et ça permet d'aider la recherche. Donc ça s'appelle Folding at Home, qui peut aider pour la recherche du coronavirus. Et puis on termine donc avec Plague Inc. J'en parlais tout à l'heure. Ah oui. La news, c'est ça. Évidemment, on en a parlé très souvent parce que après avoir été accusé d'avoir lancé le virus, après avoir été soupçonné d'avoir soutenu le virus, après avoir été interdit en Chine pour des raisons qu'on n'a pas encore reçues à la rédaction. C'est incroyable, il faut que c'est une pandémie pour que tu parles de jeu mobile. Ah non, c'est dingue. Chaque semaine, une nouvelle. c'est un jeu PC à la base. Chaque semaine, une nouvelle news sur Plague Inc. Donc, et donc cette fois, dans le nouveau mode de jeu, le but sera d'empêcher l'épidémie et non l'inverse. Bref, l'inverse du concept du jeu, le tout pour éviter de s'en prendre trop dans la gueule, évidemment. Au passage, l'éditeur a fait un don de 250 000 dollars aux associations eux aussi, ce qui est très peu étant donné que le jeu est en tête de tous les classements de téléchargement, notamment en Chine depuis près de 2 mois maintenant. On est donc à plusieurs millions de dollars récoltés en quelques semaines pour le petit studio britannique. Donc il reverse 250 000 dollars aux associations. C'est mieux que rien, il aurait pu faire plus. Voilà, donc du coup, nouveau mode de jeu pour Plague Inc. Maintenant, il faut aider les gens. Il faut armer la pandémie. C'est une bonne idée, hein. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, le tournement de jeu, là. Ça a l'air pas mal. Ils en profitent un peu en vrai. C'est marrant d'infecter les gens quand même. Ouais, bien sûr qu'ils en profitent, mais c'est... Non, mais c'est marrant de prendre le truc à contre-pied, je trouve. Enfin bref. Ouais, c'était pour se faire débanner de la Chine, peut-être. En tout cas, non, mais au-delà des actions commerciales, je pense que ça peut être une bonne idée. Bah, en tout cas, je n'y ai pas joué, mais les gens ont dit ah lol, c'est rigolo. Voilà. C'est normal. Si les gens ils ont dit ah lol, c'est rigolo. Bah oui, mais c'est des joueurs mobiles, donc du coup, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Bah, je vais le réinstaller, puis je testerai, puis je vous dirai si ah lol, c'est rigolo. Tiens, bon, je m'en fous, je suis en retard, mais je rajoute un petit truc que je viens de voir. Un nouveau Commandos qui a été annoncé. Production. Ça c'est bien. Un Commandos 4. Sartek. Ouais. Grave Sartek, putain. Début janvier, il y avait eu Commandos 2 Remaster qui était sorti sur PC et console. Et donc là, Calypso a annoncé qu'un studio interne va relancer la franchise. Ce sera Claymore Game Studio. Et donc le titre est prévu pour PC, PS5 et Xbox Series X. Ah oui, donc du coup, ça va être pour l'année prochaine au minimum. Fin d'année, quoi. Ouais, fin d'année. Ils ont prévu sur Desperado aussi dans le même foulée, je crois que si. Hein. Ce serait bien. Très bien aussi, Desperado. Bah ouais, même combat. Hein. Des très bons jeux. Pour le confinement, ce serait très bien s'ils pouvaient le sortir. Avant 2022, donc avant la fin du confinement, ce serait bien. Voilà, nous en avons. Genre demain. Pour cette première. Non, ce sera pas demain, oh là là. Nous avons fini pour cette première partie, on va dire, de notre. Et on a que 12 minutes de retard pour l'instant. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. 12 minutes sur une heure, c'est quand même pas ouf. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait un quart de l'émission. C'est 25%. Il est bon, et en plus, il compte bien. Il compte bien, hein. Je rappelle à la suite de ce live, pas de best-of ce mois-ci puisqu'il y aura une autre émission dimanche dans deux semaines, 1h aussi, 16h, émission spéciale confinement encore une fois. Si vous tombez seulement maintenant sur notre live, vous allez avoir dans quelques minutes la VOD sur YouTube, un timecode en dessous avec les parties. Avec Jack qui parle pendant le générique. Avec Jack. Exactement. Qui parle pendant le générique. C'est ça qu'on veut. Ah bah oui, il y aura forcément. On va faire un mix. Vous pouvez continuer à nous écouter. Donc en podcast sur YouTube, youtube.gametrip.net. Sur Spotify, vous cherchez GameTrip FM sur Spotify. On se suit également sur GameTrip.net avec des dossiers, des tests qui vont pas tarder à arriver. Depuis la dernière émission d'ailleurs, on a posté un dossier spécial confinement, on l'a dit. Le test de GTA 3 sur PS2. Et puis un test de Total Carnage sur Game Boy. Il y a encore plein de tests, plein de dossiers qui arrivent. Et puis facebook.gametrip.net, twitter.gametrip.net et discord.gametrip.net. On se retrouve donc très vite ensemble en direct à nouveau. Donc dimanche 19 à 16h. Et dès maintenant sur gametrip.net. Bisous tout le monde. Et puis bon confinement. Bon touchage, j'ai envie de dire. Non ? Restez chez vous. Bon confinement ? On dit bon confinement alors dans ce cas ? Bah restez chez vous, sauf si vous êtes médecin quoi. Ouais, ou... Bah ça dépend qui c'est qui va... ouais, je sais pas. Restez chez vous si... Ou Hideo Kojima. Et non, il a plus le droit de sortir non plus. Tout est confiné. Justement, faut pas qu'il reste chez lui. Ah, fouf. Si, il fait que des jeux de merde, tout. Merci. Oh merci. Blah, blah, blah. Ah, en parlant de jeux de merde, arrêtez de faire des jeux de mots avec le confiné. C'est-à-dire, le confiné... Ah non, pitié, arrête. J'entends ça, je hurle pour le générique. Ah ok, bah vas-y, je lance le générique et on se retrouve dans deux semaines. Ciao tout le monde. Salut, ciao. Allez, au revoir. Au revoir. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.GameTrip.net. GameTrip.net.